pour de rire de Géode, homme. Œuvre publiée sous licence Creative Commons BY-NC-ND 3.0 en lecture libre sur atramenta.net. Enregistré par Christiane Johan. Pour de rire. Il passe longuement le coton imbibé de lotion le long de ses grandes rides qui s'étirent de son nez vers les extrémités de sa bouche qu'il a plus longue que la normale. Il n'a pas besoin d'accentuer ses traits pour entrer dans son personnage, il lui suffit de suivre les courbes naturelles de son visage. Puis, il poursuit son lent travail comme un déshabillage qui le rend à une sorte de nudité qu'il ne supporte plus. Il se sent chaque jour plus là, sans illusion, sans désir. Il en a assez de recevoir des coups de pied au cul, de s'étaler au milieu de la foule, de se voir arroser par les bouquets qu'il veut offrir. Il termine, en effaçant ses larmes qu'il dessine chaque jour sur ses joues. D'une chiquenaude, il envoie valdinguer la boule rouge qui le fait loucher. Il se sent vieux, inutile et dérisoire. Abandonnée, surtout, depuis qu'elle est partie, ensorcelée par un magicien qui lui a montré monts et merveilles. Il sait que cela ne durera pas, mais elle ne reviendra pas. Pourtant, il allume son ordinateur et espère contre toute raison qu'il trouvera un message, un signe d'elle. Mais la messagerie est vide, ou presque. Un titre laconique, « Salut ». Machinalement, il clique sur la ligne tout en se détournant pour prendre un verre. L'alcool lui tient chaud au corps, au cœur aussi, lui semble-t-il. En tout cas, il l'empêche de trop réfléchir. Sur l'écran, un petit texte s'est affiché. « Salut. Quand je serai grand, je voudrais faire rire les gens. Je veux chanter et jouer de la musique pour les faire danser. Je serai célèbre et tout le monde m'aimera. » Il lâche son verre qui éclate au sol, ses lèvres tremblent et un tsunami d'émotions monte en lui. Il avait oublié ce pari avec des copains, celui d'envoyer un message sur un site internet, comme dans une capsule intemporelle, un message qui lui serait renvoyé à la date qu'il aurait choisie. Ils avaient bien ri en rédigeant ces textes où ils avaient exprimé leurs désirs de gamin, leurs espoirs d'être grands. Les copains ont disparu, emportés par les voyages incessants, les aléas de la vie et de la mort, pour certains. Mais voilà que ce message le rattrape. Des larmes, des vraies larmes, coulent sur ses joues, qu'il est loin le temps de ces mots où il croyait en l'avenir. Le regard flou, il poursuit sa lecture. « Je ne laisserai personne être malheureux. » Je consolerai ceux qui pleurent, je partagerai la joie comme un gâteau, il y en aura pour tout le monde, parce que ce sera un gâteau merveilleux qui grandit au fur et à mesure qu'on le mange. » Il se rappelle, ses copains s'étaient moqués de lui, parce qu'il avait pris le rôle d'un sorcier, alors qu'ils avaient choisi la réussite professionnelle. Oui, ils s'en préoccupaient déjà sans doute, influencés par leurs parents, ou bien des succès auprès des plus belles filles de la classe. C'est vrai qu'il était souvent le bout en train de service à ce moment-là, amenant par ses blagues ou ses mimiques le rire autour de lui. Il avait suivi cette voie, mais une sorte de revers du destin l'avait détourné de cette volonté. Il se souvient qu'il avait écrit ensuite « Je serai le clown le plus drôle du monde et tout le monde voudra me connaître ». Il avait signé d'une petite combinaison de signes de ponctuation symbolisant un visage. Eh oui. Il était devenu clown, mais était-ce parce que la forme de son visage le prédestinait à ce rôle? On lui avait attribué le masque larmoyant et désespéré de celui qui est toujours la victime de ceux qui paradent en rigolant devant le spectateur. Mais tout d'un coup, il relit son message en entier. « Salut. Quand je serai grand, je voudrais faire rire les gens. Je veux chanter et jouer de la musique pour les faire danser. Je serai célèbre. Et tout le monde m'aimera. Je ne laisserai personne être malheureux. Je consolerai ceux qui pleurent. Je partagerai la joie comme un gâteau, et il y en aura pour tout le monde, parce que ce sera un gâteau merveilleux qui grandit au fur et à mesure qu'on le mange. Je serai le clown le plus drôle du monde, et tout le monde voudra me connaître. » Il lui prend l'envie de l'imprimer comme pour réaliser cette promesse qu'il s'est faite à lui-même. Il l'affiche sur son miroir. Dorénavant, lorsqu'il se maquillera, il ne dessinera plus les larmes sur ses joues. Il arquera sa bouche en sourire et il se promet de toujours être heureux pour partager sa joie avec les autres. Il ne sera plus jamais le clown triste, même pour de rire. 28 octobre 2017. Ici se termine « Pour de rire » de Géode Homme.